Martin. Yeah. Yeah. C'est fini la centième, cachez vos flics. Alors, toujours devant public, 101e balado, ici Frédéric Barbouchy. Et je suis en compagnie d'Antoine Vézina. Merci, mon frère. Hola, Frédérico. Hola, señor Vézina. Gracias. Monsieur Jean-Philippe Durand. Bonne journée, Fred. Salut, Antoine. Salut. Bonne journée. Et Mathieu Bouillon. Aïe, aïe, aïe. Ah, désagréable. Mais combien drôle. Hey, tu sais, Frédéric, quoi? Lors de la centième balado, les gens de Sonar nous ont donné un bon coup de main. Hein? Oh, ça, et on n'avait pas parlé, mais ils sont solides, les gars. Vous allez remarquer que les balados qui sonnent la marde, on les enregistre pas chez Sonar. Il y a une corrélation directe entre son de marde. La 99e, où il y a beaucoup trop de vent. Ah, c'est terrible. C'est pas écoutable. Celle chez Jean-Philippe, où on a l'air de parler dans des boîtes de carton. Qui est peut-être la pire. Celle dans le parc, par exemple. Oui, mais le parc, c'est le contenu qui est épouvantable. Oui, ça, c'est vrai. Tout le monde nous a dit que c'était pas bien bon, celle-là. Non, mais c'était le pote. On essayait un spin-off, trop mon oncle. Ouais. Les préjugés. Oui, les préjugés. Ouais. Donc, arrêtez, et j'ai entendu dire aujourd'hui que celle qui avait proposé le problème l'a pas écouté au complet. Oui, c'est... On a la même source. Hey, mais juste avant... Je lance un nouveau concours pendant toute l'année. Hein? Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Gagner. Mais ça risque d'être super. Barboubidou? Des Barboubidou et des Vésidollars. Oh oui! Oh! C'était-tu un jeu de coloc dans le temps? Non. Des Bouyennes? Des Bouyennes, oui. Oui. Et des Durand. Alors, Durango. C'est ça. Nous, on vous demande vos problèmes et on propose des solutions à chaque semaine. Nous vous proposons un problème et on veut vos solutions à toutes les semaines. Le problème pour l'année, comment changer le monde pour le mieux avec le moins d'efforts possible. Donc, écrivez-nous vos toute solutions. L'année, très bon. Mais non, mais de temps en temps, on va voir si on a des réponses, tout ça. Le but, ça va être de toujours penser de le relancer. Mais comment changer le monde pour le mieux avec le moins d'efforts possible? Parce que c'est notre genre. Oui. Oui. Et là-dessus, ben, peut-être qu'on va trouver une vraie solution. Oui. La réponse, je vais changer le monde avec une chanson. La chanson du premier Star Academy ne sera pas acceptée, malheureusement. Mais tu vois, elle est déjà proposée par toi, donc c'est fait. Disqualifié. Puis toutes les réponses qui parlent d'excréments ou quoi que ce soit, Mathieu les a déjà faites. Hey. Donc, hey. Oh, il est outrouille. Outrouille. Alors, on a un problème cette semaine? Ben oui, encore une fois, un problème sur place. Attends, là, faut demander, est-ce que tu veux venir poser ton problème, Stéphanie, au micro? Stéphanie! Est-ce qu'on l'assoit devant? Voilà, si tu te rappelles pas ce que t'as dit, c'est ici, c'est celui qui est en haut ici, ma chère. Elle se souvient pas de son problème. Voilà. C'est pas celui des points noirs de pubis de Mathieu, c'est l'autre juste en dessous. Ça se peut qu'on ait des questions à te poser, là, pour approfondir nos solutions. On t'écoute. Salut les podophiles! Salut! Salut, podo! Mais juste avant, Stéphanie, c'est ton quatrième problème? C'est mon quatrième problème. Tu sais que le cinquième... Gratuit, je pense. Non, t'as un café latte. Ah, OK, merci. Oh! Hey. Et alors, Stéphanie, t'avais proposé... le premier, c'était? Comment se débarrasser des vendeuses fatigantes dans les magasins. Oh. Ça a fonctionné. Les films romantiques. Comment aimer les comédies romantiques. Est-ce que t'en as aimé, finalement? Celui-là, oui, mais c'est le niveau de difficulté plus élevé que les deux autres, quand même. Là. OK. Ensuite, on avait le dernier, qui était... Comment... Tuesday puis Thursday. Oui, exactement. Comment faire la différence entre Tuesday... Mais là, c'est devenu un classique. Là, on est mercredi. Mercredi. OK. Alors, ton problème ce soir? Alors, bonjour les podophiles. Ah. Comment cesser d'entendre le boum-boum de mon voisin d'en haut? Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Juste savoir, dans, est-ce qu'il est vraiment au-dessus de ta tête directement? Oui, il est au-dessus de ma tête directement. Et est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui habitent autour? Non, pas beaucoup. Non? C'est un triplex. J'habite au rez-de-chaussée et lui, il habite au deuxième étage. Donc, il y a quelqu'un en haut de lui? Non, moi, j'habite au rez-de-chaussée. Lui, il habite au... C'est un triplex, deux appartements au rez-de-chaussée. D'accord. Et c'est beaucoup de dance music. Donc, il y a beaucoup de... Il fait chier deux personnes. Oui. La grosse bass. OK. Mais moi, plus que le voisin, parce qu'il est vraiment situé en haut de, son boom boom est de pour mon toi. Sofa. Hey, c'est la mise en contexte la plus précise qu'on a jamais eue. Non, mais ça me manquait, ça. C'est je pense que des fois, on a, besoin d'avoir... Tu dirais que ton appartement est insonorisé un peu ou c'est vieux? Un peu, c'est vieux. OK, un peu c'est vieux. Ordinaire, là. C'était un choix qui te donnait, mais t'as pris les deux. Oui. Okay. Les deux, c'est bon, ça répond. Et toi, t'aimes pas le boom boom? Non, j'aime pas le boom-boom, mais j'aime pas non plus entendre du boom-boom quand je reviens travailler. OK. Là, c'est à la journée longue, ça? Ça finit? Bien, à la journée longue, je sais pas quand je travaille, mais quand je reviens à 5 heures... Est-ce que 5 heures déjà? Est-ce que tu reconnais le boom-boom? Non, je connais pas assez le boom-boom pour pouvoir le reconnaître. Et c'est quoi son travail, lui? C'est danseur ou... Je sais pas, c'est... Ah, oui, non, il travaille au bar... Boom-boom? Tu sais, c'est à Ontario, quoi, Champlain, là, le bar... Oui, le bar City Bar! Chic, là, ouais, c'est le ça. Quoi? Le City Bar? Oui, il travaille. My God! J'habite là-bas. Il travaille tout le temps. Dans un environnement de boum-boum, déjà. Oui. Puis il amène un peu de travail à la maison. Oui. Ah! Okay, pour pratiquer ses drinks. Oh, mais non, mais il y a. OK. Parce qu'il y a. Je passe pas de commentaire sur le City Bar. OK. Mais il est DJ au City Bar, c'est peut-être Daniel Desnoyers. Non, je pense qu'il s'occupe de recevoir les bouteilles d'alcool le matin. Wow! Okay. Ben, c'est peut-être Daniel Desnoyers. Ou MC Mario. Okay. Mais tu sais que, comme habituellement, là, quand vous avez un problème avec quelqu'un, la première solution, c'est de faire écouter le podcast qu'on est en train d'enregistrer. Oui. Ou de l'écouter très fort chez vous. Ouais. Sauf que là, c'est un peu touché parce que, à ce que je comprends, la personne est séropositive. J'ai pas dit ça. La Il y a des gens qui quittent. Bon. Ben voilà, ça a été le fun. On a fait 101 pareil. Je trouve qu'on peut être fiers de ça. 100 et demi. 100 et demi. Ça finit de même. T'as oublié d'ajouter transgenre. Transgenre, là. Par exemple, il y en a des fois qui viennent au chez moi. Ça doit, ça doit. Ben, c'est ça. C'est tes bars, c'est ça. C'est ça, là. J'y vais plus. Mais oui, il y a un gars qui travaillait dans un bureau. Suivez-moi là. Non, mais attendez là. Reste là, Stéphanie. Est-ce que ça laisse Stéphanie devant nous? Oui, je veux pas cacher les gens. Non, reste là. Il nous écoute. De toute façon, il nous voit jamais. Il nous voit jamais. OK. Et dans un des corridors de son entreprise, il y a deux... Je veux juste souligner qu'Antoine a vraiment un beau T-shirt. Je te remercie. Merci. C'est quoi qu'il y a dessus? Je vois pas rien dessus. Ah, c'est un achou qui dit « Oh, j'ai fait dans ma culotte. Ah, » Je suis en train d'être en train. Je suis en train d'être en train, oui. Et dans ce corridor-là, il y a deux photocopieuses, une en face de l'autre. Et lui, quand il s'approche, ça fait du bruit. Quand il entre les deux, devine quoi? Le silence. Il capote. Ils utilisent ça dans des usines à la sortie des cheminées qui font beaucoup de bruit. C'est de trouver le son qui est comme l'inverse. Et ça s'annule. Si c'est très bien fait, tu peux avoir deux caisses de son qui sont une en face de l'autre, tu n'entends rien. Quand on les tourne, il y a deux sons qui apparaissent. Et ils le font, par exemple, aussi sur des télescopes avec la vibration dans l'air. Puis ils le font de façon instantanée. C'est-à-dire que c'est une espèce de miroir mou qui arrive à compenser en direct, qui bouge, direct les oscillations que subit la lumière. D'accord? Deux miroirs. J'imagine que techniquement... Ouais. Sacrément, je suis épuisé. Techniquement, il y aurait moyen d'avoir un système... Arrête de rire, s'il te plaît. Moi, je suis ici pour t'aider. De mettre d'autres transgenres pour annuler les... C'est ça. Non, d'émettre un son, d'arriver à capter le son et d'émettre le son inverse pour au moins diminuer, puis ça fonctionnerait. T'aurais moins de son chez toi. Ah, oh, après ça, on peut avoir des solutions loufoques. On vous écoute. C'est pas loufoque du tout. Oui. Oui. Merci. Merci, merci. Ouais. J'ai l'explication technique en mention, checker vos Twitter. Là. Ah oui, ok. Oh, ça sent bien. Très bon, bravo. Je vais vérifier ça. As-tu pensé habiter avec lui? T'sais, non. Parce que le boum-boum, au lieu de venir d'en haut d'un son sourd, au moins tu serais, tu sais, aux premières lignes du boum-boum. Peut-être que tu l'aimerais plus si tu entendais toute la complexité du son, tu sais. C'est de s'ouvrir l'esprit aussi, tu sais. Oui, c'est ça. T'es peut-être très, très fermé, Stéphanie, parce que... On le sent ici, voilà. Ouais, ouais. C'est fermé. Là. Vraiment. Peut-être apprécier ce genre de musique-là, parce que je sais que c'est gossant, des fois, à quel point on tente de reconnaître une chanson. Moi, ça m'arrive souvent que mes voisins mettent de la musique. Puis c'est pas tant la musique qui me gosse que je sais pas c'est quoi, fait que je veux savoir c'est quoi. Qu'est-ce que ouais, c'est mais ça? Non, moi, je veux pas savoir c'est quoi, non. Le dance music. T'es sûr? Je suis sûr. C'est du dance, genre c'est pas, 93, c'est là, genre, avec du piano. C'est quand même fou. Tu sais, ils s'achètent des disques, là. Des... Tu dance, là, MC Mario and the Master, whatever. La Mamo, okay. Là. Du boum-boum. Le okay. Femme à la maman? Du refait la mêlée. Parce que c'est difficile de faire taire le boum. Tu sais, même la fin du groupe La Chicane n'a pas réussi à mettre boum au silence. Il ouais. Y a des... Hey, come on. Yeah! Hey, come on! Il y a des casques d'écoute. Il y a de la pression dans les casques d'écoute, ça fait mal aux oreilles. OK, tu veux pas de casque d'écoute, OK. Ouais. Parce qu'ils sont anti-bruit, ils diminuent, non? Des gars de construction? Non, non, mais tu sais, des casques d'écoute pour écouter de la musique en avion, par exemple, qui ont des anti-bruits. Oui, c'est vrai, oui. Ça. Et tu peux les mettre, même pas branchés, si tu allumes la fonction, ça diminue le bruit de l'extérieur. Ah, OK, bon. Hey, là, faut que j'aille sur Twitter parce que ça a pas de classe, là. Il y a Eric qui nous a écrit... Attends. Un peu comme dans Home Alone, mettre plein de pièges dans l'escalier pour éviter qu'il monte chez lui. Ah! Oh, hey, c'est bon, ça. Ou lui crier « Boom, boom, boom, boom, I want you in my room. » OK. Il y a Vincent Saint-Don qui a déjà gagné un T-shirt. Ouais. Ah, il l'a acheté, non? Non, mais il y en a gagné un aussi. Ah oui, en plus. Il a porté un Rimouski. Qui lui fait pas. Alors, en profiter pour ouvrir un dance floor chez toi. Ah, crise d'opportunité. Ouais. Le Cube, Charles, a écrit « Se plaindre au propriétaire qu'il élève des rats en liberté dans son appartement. Ah, » c'est dégueu. Bon. Ou des pigeons. « Se mettre à jouer de la batterie de Tammy Verge. » Hein? Peut-être. Ah, pis, oui. Pis c'est quand même stable comme rythme, le dance. Ah, ça peut aider. Mais je pense que Tammy, elle répondait pas à ça. Elle faisait juste écrire ça comme ça. « Se mettre à jouer de la batterie, c'est ça? » Oui, c'est ça. C'est ça que à je pensais. Oui. À tweet au hasard. Ouais, ma solution, décorer tous les murs avec de la ouate. Mais sinon, ça c'est... Attends, ça vient de Émilie Jacob. Ah, sur Twitter. Je pense qu'elle vient de s'ouvrir un compte. Mais, non, mais il y a le petit avatar de l'œuf là, que quand tu commences, t'as ça. Mais, c'est bien hot. Bravo, c'est cool. En fait... Les boîtes d'œufs, des boîtes d'œufs, d'œufs. Oui. On prend souvent ça pour isolant, insonoriser. Oui, insonoriser. Évidemment, on sait que le son a besoin de l'air, ou du moins d'un médium pour être transporté. Si tu faisais le vide dans ton appartement, une simple bonbonne, bon, c'est dommage pour les plantes, là, tranquillement, manquerait d'oxygène, mais il n'y aurait plus de son. Plus de téléphone, plus de télé. Ouais. Messieurs, on a beau... On a beau trouver des solutions, on connaît pas ça tant que ça. Tandis qu'ici, ce soir, on a deux experts qui sont avec nous. On a Vincent et Pascal, qui sont des experts du son, donc de chez Sonar. Ah, là oui! Fait que j'aimerais ça inviter Vincent. Viens donc une seconde. Oui! Ouais. Ouais. On vous avertit, il y a une voix de marde, mais... Non, c'est ça. Mais est-ce qu'il y a des trucs, selon toi qui connais ça quand même, là, qui a enregistré plein d'affaires, là? Ben, quelqu'un qui... Bonne question! Couper le volume, c'est la meilleure affaire, je pense. Couper le volume? Ouais, couper le volume. Complètement. Ah, non, mais pour annuler. Blocs, ouais, speakers. Ben c'est ça, le jouer dans les fuses, là. Je sais que chez nous, j'ai les fuses de toutes les autres. Fait que. Les fuses, c'est ça que j'ai dit? Les fusibles. Ah, on a quelqu'un de l'Académie française. Bonsoir. Est-ce qu'il y a un objet à la maison autre que des coquilles d'œufs, des choses comme ça, mais des emballages, du moins? Là. C'était ça, toi aussi, les emballages. Mais merci, Vincent. Pascal, toi, est-ce que Pascal, tu avais une idée? Ou... Mettre la musique plus fort en bas qu'en haut, en fait. Ouais! Pascal, qui a des écouteurs sur la tête, qui est en train d'écouter autre chose. Pascal, qui fait l'amour avec son ami. C'est des professionnels. Présentement, ouais. Hey, vous êtes pas dans le premier wagon, oui, oui, là? Bon, hey, moi, j'ai... Oui. Prenez un break. Des amours. Non, non, wow. Ben, moi, j'ai une idée, là. C'est vrai que d'y faire goûter à sa propre médecine, je pense que c'est la meilleure idée. Fait que ouais, soit tu trouves de la musique encore plus brillante ou tu trouves un autre ami LGBT séropositif qui a une musique encore plus dérangeante. Est-ce qu'on a des titres à recommander, tu sais, de la musique qui est pas écoutable, là? Tu sais, je pense à The Hamster Song au bout, là. Crazy Frog. Crazy Frog. Mais, juste pour revenir, notre ami des Geekers qui a écrit « Shazamer la piste », tu sais, trouver c'est quoi la toune. Et oui. Ensuite, produire une piste aux fréquences inverses, ce que Antoine disait, pour la jouer simultanément, cancellant le tout. Très facile. Non, c'est pas lui qui a écrit très facile, c'est moi. Oui. Tammy Verge a écrit. Elle arrête pas, elle nous écoute pas, elle fait juste écrire. Lui demander de faire des bing-bing à place. Au lieu des bon oui. Bon. C'est pas Crazy Frog qui habite à Hoches. Bing-bing-bing-bing-bing-bing-bing. Il a emmené plus... Oups, non, ça c'était pour l'ancien problème. Oui. OK, voilà. Porter des écouteurs en permanence. Tammy, arrête, j'ai lu oui, plus. Oui, oui, oui. Ouais. Peut-être que tu pourrais persuader le propriétaire que toi, tu veux un environnement sans électricité. T'sais, ce bloc-là, on le veut sans électricité. Off the grid! Off the grid! Tuer sa blonde, avoir une chambre insonorisée, bouchon d'oreille, ça c'est Samuel, classique, qui nous dit toujours tuer quelqu'un. Et mettre le volume de la 101e balado au max et coller les haut-parleurs sur sa porte, il va peut-être comprendre. Oli Tremblay, merci. Mmh. Surtout si le dit podcast contient la phrase « I will kill you, I will kill you ». T'as un doigt levé? Il y a des chansons qu'il faut aller chercher, Stéphanie, j'ai l'impression. Tu recherchais ces MP3-là en bonne qualité. Ici, j'ai un site qui me dit les tunes de basse les plus rochantes. Okay. Donc, il y a beaucoup de chansons de Little John, 3-6 Mafia, Bone Crusher. C'est très bon, ça. Ari the Rugged Man, Trillville, Dead Prez, Kinfolk, Kia Shine. Mais surtout Little John qui revient souvent, Eminem aussi a des affaires, Young Jay-Z. Fait que va chercher des affaires vraiment trash, là, un peu fat, pas dans le sens gros, mais dans le sens. PH, fat, pas mal. Mais trop sauvé du mot. Donc, va chercher des affaires là-dedans, je te jure, là, ça brasse. Ouais. Si mais Jean-Philippe, pour vrai, connais-tu ces chansons-là? Ouais, moi, tout ce que tu as nommé, ça m'a rien dit. C'est bon pour vrai, je sais pas s'il y en a qui connaissent les pop un peu, c'est très très bon. Comme pour la gravité. Le son est, se répand de façon logarithmique. Donc, ça veut dire que si tu doubles la distance, ça va diminuer de 4 fois le son. Est-ce qu'il faut que je creuse dans le fond, en dessous de mon plancher? Soit qu'à son insu, tu vas juste soulever un petit peu ces caisses de son, ou que chez toi, si tu te promènes penché... Non, mais étonnamment, si tu arrives à doubler la distance, ça diminue de 4 fois le son. Je pense que ça peut être rapidement intéressant. Attends. Là, on parle de... Mais le carré de l'inverse de la distance. Si on remplit son appartement de liquide, il n'est pas obligé de mettre le son aussi fort parce que ça voyage propage mieux. Oh oui, à son insu. Bon. Quel liquide est-ce que tu aimerais mettre chez ton non, mais voisin? Non. Le liquide dans The Abyss, là, où il pouvait respirer. OK, ben oui. Comme ça, il ne s'aperçoit jamais de rien. Ah, on l'a. Un genre de pipi on incognito. On se voit en deuxième. Oh, exactement, Mathieu, répète donc ça. J'ai dit un genre de pipi incognito. C'est ça que j'avais entendu. Oui, c'est ça. C'est pas une bonne solution, hein? Plus non, mais, que ça. Hein? Peut-être faire des tests. Je sais que chez moi, si j'allume la radio, la sécheuse puis le grille-pain, qui sont toutes un peu sur le même réseau, ça fait sauter le fusible. Oh! Donc, peut-être tester des trucs qui vont faire sauter. En même temps, je pense que son voisin a déjà dû passer une batterie de test. Non, c'est pas drôle. Là. C'est drôle. C'est terrible. C'est terrible, c'est pas drôle. Lui, poster des CD que t'aimes? Ah, oui. Hein? Peut-être. De façon anonyme ou du Père Noël, c'est oui. Le temps, hein, dans le fond. Ouais, un peu comme le gars qui envoyait des livres à Stephen Harper à tous les jours. Là, tu sais, tu envoies comme... Ça pas lu. tu refais son éducation musicale, mettons. Là. Tu sais, puis dépense pas trop, là. Grave des affaires. Ton erreur, en fait, c'est que quand tu pars au travail, t'écoutes plus de boum-boum. C'est ça. Ah. Si t'écoutais continuellement du boum-boum, ton lecteur MP3, constamment, ton cerveau finirait par l'effacer. Il y a plein de sons comme ça qu'on n'entend plus parce qu'on est habitué. Le cerveau est capable de faire le ménage, comme quand c'est on comme, c'est comme la moufette qui pète à Mathieu. Parce que on la sent plus parce qu'elle est tout le temps là. Mais elle pue encore. Ouais. Alors je pense qu'une affaire comme 6 mois comme ça, tu n'entendrais plus. C'est un coup à donner, mais je pense que ça vaut la peine. Bravo! La moufette qui pète. On propose sur Twitter. Merci pour les applaudissements, merci. Ouais. Stéphanie. Qui a parti cette claque-là? Wow, arrêtez! Attaque-le au moment contraire. Arrêtez, il y a d'autres gens sur le plan. Laisse-en parler, Jean-Philippe. Moi, je te dirais, attaque-le au moment contraire, où lui t'attaque. Pis s'il fait ça le soir, attaque-le le matin. Mets de la musique vraiment dans le piton, une affaire vraiment énervante, là, du genre Nadja de Noël, mais tu sais. Ah! À 9, là, 9, 10, 11, là, ben, ben fort. Tu veux ben dire Nadja de Nogel? Nadja de Nogel. Les Nadja dans campagne. Mais c'est ça, mais je vous dis ça le matin, là, très, très fort. Non, quelque chose pour enfants, très fort aussi. Faut contrer ça avec autre chose que de la musique, là. Tu sais, des parties de matin. Hein? Des gens, beaucoup de gens qui... Brunch, qui... party. Ah, mais toi, t'es en dessous, hein? En dessous. Dancing on the ceiling. Lionel Richie l'a dit. Oui. Excusez. Moi, j'avais l'idée d'apprendre la tectonique. La tectonique. Mais en même temps, oh mon Dieu. On peut retourner en 2007. Elle danse déjà parfaitement la tectonique. Les auditeurs ne le voient pas, mais... Mais est-ce qu'on peut... Waouh! Wow! Et cette musique ajoutée au montage! Wow! Étonnant! Mais toi, tu veux dire, Mathieu, que la tectonique, même sans musique, si elle la prend, c'est tellement énervant que même à travers le toit, il pourrait la voir. Il pourrait la voir et arrêter. Il comprend qu'elle fait ça. Okay, oui, ouais, il va comprendre. Oui, oui, oui. Mais y as-tu parlé? J'ai déjà parlé dans ma vie, oui. Puis j'ai déjà cogné chez lui pour lui demander de baisser ça. Ah oui. OK. Mais il t'a donné un glow stick, fait que t'es redescendu. T'es exactement. Fait, oh. Mais quand tu le croises-tu dehors, puis vous faites-vous un petit « Ah, salut ». Non, quand je le croise dehors, je change de trottoir. OK. Mine de rien, je fais semblant que je change de rue. Finalement, je rentrerai pas chez nous ce soir. Exactement. Avec les cris. Puis quand vous en allez au City Bar, en même temps, tu t'en vas pas avec. Non, je vais vous faire ma prière en face pour que les chemins se séparent. Oui, c'est un bon truc, il est ouvert tard. Oui, mais c'est un homme d'un certain âge ou quel âge a-t-il? 35-40. OK. C'est un genou au City Bar, donc. Là. C'est le plus fait qu'il écoute du boum-boum de 35-40. Appelle la police. Ah, ça doit être du DAF. Est-ce que tu l'as fait, la police, jusqu'à maintenant, Stéphanie? Ben, j'habite sur la rue Alexandre-de-Serre, donc la police est déjà super occupée dans les HLM de l'autre côté de la rue. C'est donc sûr, il arrête des enfants. Préjugés. Ouais. C'est intéressant. Ouais. Bon. Ouais, je pense que c'est normal. As-tu des solutions préférées, Stéphanie? Ou en as-tu toi-même? Ah non, j'ai pas de solution. C'est pour ça que c'est ton quatrième problème. Solution préférée, je dirais peut-être écouter du dance music toute la journée. C'est qui l'a proposé? C'est Antoine. Oui, écouter du dance music toute la journée. Et aussi peut-être l'espèce de truc pour annuler le son. Oui, c'est mes solutions. T'es vraiment super. T'es une des bonnes auditrices qu'on a. Ouais. Non, sérieusement. Tu te rappelles pas, Antoine? Elle t'avait dit « J'aime la voix d'Antoine ». Ah, c'est toi, ça? Oh, hey, excuse-moi. Yeah. Oh. Ah, salut. Oh, Tammy vient de tweeter. Ah, c'est pas vrai. Oui. Écoute, sincèrement, je te remercie pour le commentaire sur ma voix. Alors, je viens de chercher sur Internet quelle serait la chanson contraire au Boom Boom, et il s'agit de la danse russe tirée du ballet Casse-Noisette. Ça, c'est ça qui serait le contraire équivalent. Donc, c'est ça qu'il faut que tu mettes en place. Cette chanson-là marche aussi pour la solution. Maman, j'ai raté l'avion. Oui, tout à fait, c'est vrai. Mathieu, quand tu parles d'Internet, tu parles de tes 4 feuilles de papier sur la table? Oui, mais c'est mon iPad. À moi, là. C'est mon iPad. Car je change de bar. Non, puis avec mes couronnes aussi. Voilà. Oui. Jughead. Stéphanie, moi, c'est une autre solution qu'on n'a pas dit tout le long, mais je trouve ça intéressant. Et un enfant, un bébé. Je trouve que c'est un bon moyen de monter en haut avec ton enfant puis de faire gaffe, mon bébé a de la misère à dormir. Puis un bébé qui pleure, on se le dira, c'est beau des bébés, mais il n'y a rien qui gosse plus quand t'es voisin que d'entendre un bébé qui pleure 24 heures sur 24. C'est vrai, j'enlèverais donc de mes solutions préférées écouter du dance music toute la journée. Je l'échangerais contre celui-là. Attends, je te remercie. J'ai peut-être Antoine, quelque chose dans pour tes dents. J'ai peut-être quelque chose. Une couple de fois, là, stager, d'avoir des pansements aux oreilles. Tu le croises dehors. Tu sais, quand tu rentres, salut. T'as des pansements salut, aux oreilles. Ah non, c'est non, comme... pas trop fort. Et non, je viens d'être opéré. Faut pas que, tu sais. J'ai écouté trop de fait que là, quand tu dis, peux-tu baisser ça, il fait qu'est-ce que tu dis? Excuse-moi. J'ai écouté trop de dance. Mais tu peux retirer. OK, bon. On garde les bébés, hein. Parfait. Ouais. Puis t'as-tu une solution la moins préférée, mettons? Ça peut être le fun aussi. Le pipi incognito, peut-être? Non, le pipi incognito, ça ajoute une touche de folie. Je dirais peut-être les boîtes d'œufs à l'envers sur les murs. C'est beau, Fred. OK! Non, mais... j'écoutais pas, là. Non, mais peut-être réaménager ta maison pour, justement, que je sais pas si c'est ta chambre qui est plus affectée. C'est un très petit appartement, okay. Donc il y a pas vraiment d'autres mais façons y a-tu de l'aménager. Dans laquelle tu l'entends moins? Dans la douche. Dans la douche, ouais. Ah, ben voilà. Le lit dans la douche. Ben ouais, un lit un peu petite vie, là, quelque chose de... Ouais, Oh, c'est complètement ridicule. Ouais. Oh, non, en même temps, elle va mouiller son lit. Mais ça, c'est déjà un problème que tu... Oh, pardon, excuse. Oh! Oh! Bon, à cause de la voix d'Antoine, c'est ça? Oui. Sacrement! Sacrifice! C'est dégueulasse! OK. Ben... What? Mais Stéphanie, toi qui es rendue à ton quatrième problème, peux-tu nous donner des façons de proposer des problèmes aux gens qui nous écouteraient en ce moment dans leur balado, dans leur iPod ou autre truc du genre? Hey, moi, là, si j'avais cette question-là, là, je saurais pas quoi faire. Comment on fait? être à l'écoute des petits événements de la vie. Oui, oui, non, mais est-ce qu'on c'est va vrai, les poser ça. Sur des réseaux sociaux? Ah, OK. On peut les envoyer via Twitter. Oui. En commercial, pas de problème. Je pense que c'est ça l'adresse sur Twitter. Oui, c'est ça. Oui. Ah, ben voyons donc. On peut les envoyer aussi sur la page Facebook de pas de problème. Oui, absolument. Et Paul, on peut écrire à Paul. Également, certain. On peut l'écrire, on peut envoyer un problème à Paul. Problème, on ne sait pas c'est qui d'ailleurs. C'est Antoine. Hein? Okay. Bah. Mais non, mais mon identité secrète. Il y a trois amis. C'est Jean-Philippe, Mathieu puis moi. C'est ça. Ah, ben il y a maintenant. Non, j'ai Tammy aussi comme ami. Puis Suzanne Lévesque. Ça s'en vient. Ah, laisse Suzanne en dehors de ça. Non, mais sinon, c'est... Est à moins. Stéphanie aussi, tu sais, les problèmes que tu nous as envoyés, c'est des problèmes dont on n'avait jamais vraiment jasé, tu sais. Tu sais, il y a des fois des problèmes qui se recoupent un peu, là, comme sur les relations humaines ou le rattraper du temps, tout ça. Donc, toi, bravo, tu sais, tes problèmes étaient très originaux. Ouais. Et ça, là... Hey, merci beaucoup. Bravo. Merci pour les problèmes, merci pour votre présence. Si on ne s'est dit pas les belles affaires, aussi, des fois, là... Aussi originaux... aussi original que celui de Charles sur Twitter qui nous propose celui-ci, qu'on va peut-être faire une autre fois. Comment faire comprendre aux deux filles dans le fond du bar qu'elles parlent trop fort? Ah! Peut-être passer ça par un micro. When the cube gets angry, On va étudier la question. Hey, merci beaucoup pour le problème. Oui, pour votre collaboration. On peut l'applaudir. Oui, merci. On fera ça. Merci, mais c'est vrai qu'on pourrait faire ça. Je brainstorm en public, là, mais céduler une date d'enregistrement avec une personne qui nous donne son problème, fait que si ça donne, elle pourrait... Garde, être avec... oui, c'est brillant. Bon. J'essaie, là. On fait ce qu'on peut. Mais tu sais... Puis Stéphanie part pas trop loin, il faut ramasser le stock après. Là. Oui. C'est pas... hey, continuez à écrire vos problèmes. Oui. On accueille tout ça, on en a parlé. Merci aux gens de Sonar. Oui. Oui. Et ben oui. Merci au passage aussi, hein, qui nous reçoit. Oui, les passages. Oui, très gentil de votre part. Merci. Qui nous menace constamment. Oui. Surtout à l'approche de Noël, on n'aime pas être passage. Ouais, bon, c'est fini. Hein? Ouais, mon Dieu. Ouais, excusez-moi, je suis en train de lire des nouveaux problèmes, là. Super le fun. Hey, qu'est-ce qu'on fait? C'est la fin. C'est la fin? Ben là, fin. Vous avez pas besoin de moi. Nous avons un... OK, vous avez besoin de moi. Vous avez un problème? Nous avons un podcast! Yeah!